Comic Book Daily News, Good Morning Washington. Je suis actuellement sur place à Tokyo. Il est ici 9h du soir et la situation évolue rapidement dans le stade où se déroule un match de finale de Coupe du Monde d'un sport nommé... attendez. Ah, oui. The Angelic Killer. Tout un programme. Pour vous donner une idée, je dirais que c'est un genre de soccer bizarre pour les otaku, dans lequel on a le droit d'utiliser des armes blanches. En somme, un événement probablement important pour ces gens un peu particuliers, disons. En tant que journaliste spécialisée dans la culture comics, je n'ai naturellement pas été invitée à rentrer. Cela montre bien la grande considération dont nous faisons l'objet. Avec le plus grand respect entre nos deux cultures, évidemment. Je suis donc à 500 yards, d'où je peux observer un dispositif policier renforcé autour de l'enceinte. D'après les informations préliminaires, un groupe criminel se serait infiltré et aurait réussi à hacker les dispositifs holographiques. Des agissements qui rappellent vaguement les modes opératoires d'un groupe déjà actif dans la région. Cependant, nos sources fiables au ministère de la Japatitude britannique affirment que cette nouvelle attaque n'a aucun lien direct avec l'organisation responsable d'actes similaires par le passé. Il convient de se souvenir de ce groupe tristement célèbre pour avoir terrorisé la communauté otaku il y a une dizaine d'années, en arborant des costumes issus de personnages célèbres de comics. Ils étaient connus sous le nom de Hellboy, ternissant par cette appellation le comics éponyme. Ce grand super-héros rouge, mi-homme, mi-démon. Même plusieurs adaptations en film n'ont pas pu relancer l'engouement de la BD après la chute drastique des ventes. Mais il n'y aurait aucun lien, selon le ministère des US et coutumes. C'est à se demander s'il n'y a pas eu échange de bons procédés avec les otaku pour calmer le jeu. Le chef de ces Hellboy, un certain... Wurde, whatever, a finalement été stoppé très récemment par un jeune garçon dénommé... Ah, si ! Poa, excusez-moi, est-ce qu'il peut y avoir du pollen dans le coin ? L'individu en question, Wurde Trucmuche, se déguisait, lui aussi, en un antagoniste de comics iconique, à savoir le Joker. De quoi susciter la peur, mais également le dégoût de notre culture chez les otaku. Par ailleurs, nous apprenons qu'Alan Moore envisagerait de s'inspirer de cette affaire pour une nouvelle œuvre intitulée Batman, Otaku Asylum. Mais revenons à la situation actuelle. Cet attentat, bien que sans lien apparent avec les incidents précédents, est revendiqué par The Friendship Party, le parti de l'amitié. À sa tête, un homme portant un masque traditionnel japonais semble vouloir éradiquer la culture otaku. Ce qui serait quelque chose de... terrible, bien entendu. Nos compatriotes pro-comics, réagissant avec une grande indignation, se sont rassemblés pacifiquement aux abords du stade pour manifester leur désaccord. Il est évidemment recommandé de ne pas, de ne surtout pas, participer à quelque forme de confrontation que ce soit, afin d'éviter toute escalade. Nous continuons de suivre la progression de la situation minute par minute pour vous rapporter des informations au plus près. C'était votre reporter, Lana Langue de Bois, pour CBD News. L'info en continu sur BDFil Business. Je suis Ricochet pour l'actualité internationale en direct. Bon, alors, il y a toujours des débordements dans les grandes villes, un peu partout dans le monde entre pro-comics et otaku, mais c'est à Tokyo que se situe le cœur des affrontements. Au début, on croyait que c'était un de ces escape games géants dans les stades qui sont monnaie courante au Japon, mais apparemment, c'est plutôt une prise d'otage. Elle est revendiquée par un homme masqué surnommé Ami, mais qui franchement n'a pas l'air si amical que ça, si vous voulez mon avis. Lors de cette rencontre d'Angel... Attendez, comment c'est déjà ? Ah oui, Angelic Killer, voilà. Hein, donc c'est pendant ce match d'e-sport aux règles complètement débiles que ce type a menacé d'exécuter les athlètes. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai compris, hein. Bon, c'est un jeu de petits garçons du 21e siècle, ils sont tous connectés à un ordi, et comme dans Matrix, si t'es débranché, eh ben tu décèdes. Hop, foot, finito, pipo. Ah bah ça c'est bien beau d'avoir un max de technologie, hein, mais à un moment, ça finit par vous péter à la gueule. En vrai, ils auraient fait une bonne vieille pétanque, eh ben y aurait pas eu de soucis, hein. Mais non, il faut montrer qu'on est la culture la plus riche dans tous les sens du terme. Alors, pour nos auditeurs, quelles seront les répercussions du fait que les Weeb et les Super Sleep se foutent sur la gueule ? Mais c'est probablement la meilleure chose qui nous soit arrivée ! La culture franco-belge va enfin pouvoir prendre son envol après des années de moquerie. Figurez-vous que la côte des Torgal et des Boulébiles première édition s'est d'ores et déjà envolée. commencez, hein, à rassembler vos albums parce qu'un très grand nombre de personnes sans culture fixe commencent à se tourner vers la sacro-sainte bande dessinée. Et écoutez-moi bien, c'est un scoop. La Commission interministérielle européenne réfléchit à créer sa propre école pour bédéphiles. La révolution est en marche, mes chers amis. Notre rédaction suit les événements et nous vous tiendrons au courant dès que possible. Allez, Gaston, vas-y mon pote, sors de ton hamac et fais péter le champagne. Wouh ! ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Oui, je suis à l'antenne. Ok. Ici Force Grise pour le Flash Info. Je me trouve dans un hélicoptère survolant le stade olympique national de Tokyo reconverti en arène d'Angelic Killer. Les grilles sont fermées pour ne laisser rentrer personne et de là où je me trouve, je peux voir les persocopes, la police et quelques robots métalliers de 3 mètres de haut qui essayent de sécuriser le stade. Les communications sont coupées et malheureusement je suis incapable de vous dire ce qu'il se passe à l'intérieur, bien qu'il semblerait Camille ait réussi à prendre le contrôle. Dedans comme dehors, la situation est plus que tendue. On est proche d'un débordement alors que les manifestants ont quasiment tout détruit dans le périmètre et après qu'ils aient saccagé et pillé des dizaines de magasins du quartier de Shinjuku. Ils commencent à se frayer un chemin en attaquant les forces de police et les barrières de sécurité. Une grande partie de la police de Tokyo protège les monuments et l'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Les civils dans un rayon de 3 km sont renvoyés chez eux et on se croirait presque en temps de guerre. Vu d'ici, le quartier de Shibuya, pourtant très animé, est complètement désert. Il semblerait qu'un groupe de manifestants se soit rapproché du musée d'art de l'époque Meiji, se situant assez proche du stade, et je peux voir des renforts qui s'y rendent. Par contre, la foule est tellement dense que la sécurité autour du stade ne suffira sûrement pas. D'ailleurs, il semblerait que le phénomène se soit répété dans plusieurs villes du monde, de manière encore plus virulente qu'il y a quelques jours. Je vous le dis tout net, il est clair qu'une majorité des personnes ici présentes soient des pro-comics. Impossible que le Parti de l'Amitié ait pu fédérer autant d'otaku en si peu de temps. D'autre part, l'acteur Frank DeBosco a encore changé son fusil d'épaule et s'est prononcé cette fois-ci en faveur du mouvement. Tant que nous sommes dans la partie show business de notre Flash Info, Risa Twitter a obtenu une interview exclusive de l'oncle de Hachipawa pour la Gazette de Tokyo et relayée par la BBC. Il s'agit de Venom Bentley, une personne détestant la culture japonaise et racontant tout un tas de choses horribles sur les otaku qui auraient perverti son cher neveu. Powa étant très populaire sur les réseaux sociaux, cela ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Attendez. Les barrières ont cédé, la police envoie du gaz lacrymogène, mais ça ne les fait pas reculer. Je ne peux pas les laisser faire. Je suis Force Grise, le plus rare et le plus puissant de tous, la couleur ultime. Allez-y Tanaka, mon nouveau majordome, on fait comme on a dit. Rapprochez-vous des 4 autres unités au sol, au niveau du carrefour canon. On sort l'artillerie lourde. Fusionnez les véhicules. À moi, Megazord. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce petit bijou m'a coûté la peau des Kintama, mais regardez-moi cette méga épée. Elle a été conçue pour tuer Godzilla en un coup. Bon, en vrai, je m'en suis jamais servi, mais ça claque, hein. Ah, j'ai l'impression de vivre un rêve de gosse. Dommage que les pro-comics n'aiment pas vraiment les mechas, ça aurait pu être sympa, un petit fight au milieu de Tokyo comme ça. En plus, à tous les coups, ils doivent penser qu'on est vraiment des monstres géants comme à la télé. Qu'est-ce qu'ils sont ignorants, ces pro-comics. Force matière grise que j'aurais dû m'appeler. Oups, c'est quoi ça? Ah, un abribus pour le buzz. Oui, bah écoute, ça restera entre nous, hein. Allez, dispersez-vous, ou bien je vous désingue, you understand? Go away! toi, enfant ! Ouais, les gardes m'ont laissé rentrer dans les loges, mais on n'est pas plus avancé. Certaines personnes ont commencé à descendre sur le stade pour rejoindre Ami. Même si j'ai envie de les frapper avec du radis blanc dans la tronche pour avoir trahi la culture otaku, au moins on gagne du temps. Ouais. Ah, au fait, Wan, j'ai reçu un SMS de Hamilton. Vu que ses parents sont pas des otaku et qu'ils pigeaient absolument rien au match, ils l'ont obligé à partir avant la fin. C'était juste avant que les portes soient bloquées. Finalement, c'est peut-être mieux pour elle que ses parents voient pas tout ça. Et d'ailleurs, en passant dans les couloirs, j'ai entendu dire que la salle des serveurs était verrouillée hermétiquement de l'intérieur. À mon avis, Ami a dû s'y enfermer pour se connecter directement à la mini-arène. Et mal fait ? Aucune idée. C'est vrai ça, il est où Dracho ? Il a dû se cacher comme un poltron. Sinon, on pourrait mettre du C4 sur la porte et boum ! Comme ça, on peut entrer. Ah, pourquoi pas ? Et risquer d'endommager la reine ? Un tel bijou de technologie ! Ah, et c'est vrai, ça pourrait aussi tuer les joueurs toujours pris au piège dans le jeu. Ouais, pas une bonne idée ! Moi je dis, ça se tente avec un peu de chance. Hey, Hachi, regarde ça. Le brouillage des téléphones portables a été levé, on dirait. J'ai réussi à me connecter à Internet sur mon portable. J'ai pu trouver l'application d'assassinat de l'autre Zikoto Ninja en fouillant le Dark Web. Ah, super. Est-ce que t'as accès au site des enchères des Yakuza ? Ouais, des wars, je voulais des katanas bien tranchants, mais quand maman les a surpris, elle leur en a fait voir de toutes les couleurs. Soit disant que de s'y connecter depuis la maison, c'était une mauvaise idée. On verra plus tard, Won. Regardez ça, il y a une prime exorbitante pour assassiner l'impératrice du Japon. Le pseudo de l'annonceur est Grindelwern. Mais ça fait un bon moment que le ninja est parti. Avec tous les gardes, ça ne doit pas être aussi facile que ça. Surtout que si c'est vraiment un ninja, il a pas dû y aller en bourrinant. Ouais, vous avez raison, c'est peut-être pas encore trop tard. Je vais y aller avec ma combinaison optique pour me rendre invisible. Combinaison optique que j'ai bien évidemment obtenu tout à fait légalement, je tiens à le préciser, hein. C'était un héritage. De notre côté, il faudrait qu'on trouve une solution pour débloquer la porte de la salle des serveurs. Mais ça a l'air impossible de l'extérieur, j'ai vu plein de mecs essayer. Il faudrait passer par les conduits d'aération. Vous autres, vous êtes suffisamment petits pour vous y infiltrer. Yes, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je vais voir ce qu'il en est devant la salle des serveurs. On n'aura sûrement pas l'approbation des vieux gâteux, mais il nous faudrait quand même de l'aide pour que vous puissiez vous infiltrer. Ok, c'est noté, j'y vais. J'essaierai de vous rejoindre si je peux. Yuya, tu es là ? Beau-père Pegasus Yogurt ? Arrête de m'appeler comme ça. Justement, je cherche Yuya-chan moi aussi. Quand j'ai entendu qu'elle était partie des loges, ni une ni deux, je suis parti la secourir. N'en fais pas trop, Malfait. Je sais qu'il ne faut pas reprocher au fils les crimes du père, mais ça veut pas dire pour autant que je t'apprécie. Quoi qu'il en soit, j'ai fouillé cet étage et suis d'en dessous. Elle était censée aller s'acheter des bonbons à la confiserie du rez-de-chaussée. Mais avec ce qui se passe, bah, les vendeurs ont fermé le magasin. Ça veut dire qu'elle a dû essayer de remonter. Je sais. Tu penses à quelque chose ? Venez. Oui, regardez, beau papa, l'ascenseur est bloqué. C'est comme la dernière fois pendant le match Japon-États-Unis. Juste avant que le type au masque de Kabuki n'apparaisse, tous les ascenseurs s'étaient arrêtés. Yuya qui soit bloqué dans un ascenseur deux fois en une semaine. Bon, ça m'étonnerait même pas. Yuya ! Yuya, tu es là ? Papa, je suis coincée. Mais l'ascenseur est presque à l'étage. Il faudrait juste ouvrir la porte et ça devrait passer. J'espère que ça ne va pas abîmer ma nouvelle robe gothique. J'ai vu les pompiers du stade en train de soigner des gens qui ont des crises d'angoisse. Bon, pas le choix, il va falloir qu'on fasse ça nous-mêmes. Surtout, ne bouge pas ! Là, il y a une hache pour les incendies. On devrait pouvoir insérer la lame dans l'interstice pour ouvrir ! Bonne idée ! Yuya ! Papa, je n'arrive pas à attendre ta main ! Laissez-moi faire, j'ai le bras long. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Yeah. Ah, merci, j'ai eu peur. En plus, quand j'ai appelé les secours à l'intérieur, je suis encore tombée sur le même gars que la dernière fois, quelque part en Inde. Hey, m'oubliez pas. Ah oui, j'ai failli oublier, Kobe était avec moi, Dracho, tu peux l'aider? De quoi? Qu'est-ce que ce clampin faisait avec toi? Il revenait des toilettes du rez-de-chaussée, on a sympathisé, il est vraiment gentil. En plus, on a plein de points communs, et... J'y crois pas. Me faire coiffer au poteau par un Minus qui n'est même pas encore dans une école d'otaku. Tu vas voir. Je vais bien trouver quelque chose pour que tu tombes dans mes grands bras. Réfléchissons. La dernière fois que j'ai voulu draguer la fille de troisième année de la maison Silverhawks en tapant le mur derrière elle avec le plat de la main... On m'a envoyé chez Ruzard Gay pour comportement inapproprié. Cette fois-ci... Ça va saigner. Ah, le cabédon, il n'y a que dans les dramas japonais que ça fonctionne. Bon alors, je vais... Oui, je sais, je vais devenir un héros en bottant les fesses du type au masque. C'est ça que je vais faire. Ça doit être super pratique pour se gratter le dos d'avoir des bras aussi longs. Ah mais oui, t'as raison. Bon allez, on va aider le petit Kobe. Je ne l'ai pas encore vu qu'il m'a l'air déjà bien plus fréquentable que ce dracho mal fait. Ouf, merci monsieur Yogurt. On ferait mieux de retourner dans les loges se mettre à l'abri maintenant. Au fait, où sont tes parents ? Je suis venu seul parce que j'étais invité en tant qu'ancien commentateur. Mes parents sont restés à l'hôtel garder mon petit frère Mep. En plus, tu sais quoi ? Il aime beaucoup le radoteur. C'est vrai ? Oui, ma mère est abonnée. Je suis un vrai fan des jeux de logique compliqués de fin du magazine. Alors ça me fait plaisir. J'ai assez peu de retours positifs sur cette section. Et pourtant, je me creuse la tête. Hein. Moi, j'y comprends jamais rien aux règles de tes jeux. Ah, au fait, voilà ton patanashi, papa. Ah, mais c'est parfait! Quitte à ce que ça soit la fin du monde des otaku, autant manger des sucreries. Ah! Être coincé dans un ascenseur, c'était censé être notre truc à nous avec Yuya-chan! Je vais l'exterminer, ce nulos! Ah, v'là un des frangins du requin! Hé! Hey, Tid! Mal fait! J'ai pas le temps, là! Justement, je comptais aller me battre contre Ami! Vous avez un plan avec le binoclard ? Enfin, je veux dire, Powa ? On a une idée pour se rendre dans la salle des serveurs, mais il nous faudrait... Une idée ? Je vois même pas comment on pourrait. Il y a déjà plein de types qui essaient, on dirait des clichés de geeks dans les films d'espionnage. Ah, Ranma, tu tombes bien. Toi, c'est Will, c'est ça ? Je me rappelle, t'étais le senpai des Albators quand j'étais jeune. Et à côté, Dracho Malfait, je crois. Dommage qu'on n'ait pas pu s'affronter en Angelic Killer l'année dernière, je t'aurais donné une leçon dont tu te serais souvenu. Quoi qu'il en soit, Ami doit être résolu à mourir pour sa cause. À moins qu'il ait prévu de libérer les otages en échange de son évasion. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des partisans d'amis qui se fondent dans la masse des otaku. De notre côté, on pensait que One pourrait se faufiler dans les conduits d'aération pour atteindre la salle des serveurs. Mais sans le plan global du stade, c'est impossible. S'infiltrer pourrait être possible. Par contre, j'ai entendu un des mecs dire que le conduit se rétrécissait à la fin. Ah, et si on arrivait à passer des câbles pour se brancher ? Pareil, ils ont dit que c'était trop loin, genre 3 ou 4 mètres de distance. Mais par contre... Si on pouvait construire un genre de bras mécanique de façon à atteindre la console... Non, ce serait trop long, laisser tomber. Si, ça pourrait marcher. Javelfort Dunbanwa doit pouvoir en être capable. Il était prof de mécanique à Jobar avant Arid. Il doit pouvoir aussi s'infiltrer dans le réseau en s'y connectant. On pourrait par exemple ajouter manuellement une poupée dans l'arène pour forcer la déconnexion d'Ami en le détruisant dans le jeu. Dans ce cas, je viens avec vous. Tid est naze en Angelic Killer. Il arrivait même pas à lever son ange de combat pendant les cours. Mais moi, je suis hyper balèze. Je pourrais facilement botter le cul de l'autre. Je vois. Alors personnellement, j'ai aucune envie que mon esprit soit capturé dans l'Angelic Killer, donc si Malfait veut risquer sa vie, moi ça me va. Ah, mais j'avais pas vraiment compris ça, moi. Mon oncle travaille au ministère de la Japatitude, dans le département de l'Injustice. Je vais essayer de le contacter pour qu'il m'envoie les plans. Ça doit être par ce couloir-ci... Hein ? Les lumières sont éteintes ? Et il y a des gardes au sol ? Oula, faut que je sois prudent. Je vais peut-être déjà arrêter de me parler tout haut, ce serait pas con. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que ferait Miton à ma place ? Ouais, non. À la limite, si j'avais un sabre, je pourrais peut-être me battre, mais ça m'étonnerait que j'arrive à quoi que ce soit contre un ninja surentraîné. Bon, que dirait Dunbanwa ? J'accorde 150 points à Albator ! C'est vrai qu'il faisait ça souvent. Bon, attends, avec un an de cours d'animé dans les pattes, je vais peut-être quand même me rappeler d'un truc utile. Owa, dans l'épisode 20 de Pony Pony Dash, qu'est-ce qui est différent chez Himeko ? Non, mais professeur Snap, vous pouvez pas arrêter ! Je capte que dalle à vos questions ! C'est sa personnalité qui change à cause d'un champignon mutant qui s'est attaché à elle ! Vous êtes pitoyable pour moi ! On me fera un compte-rendu des deux premières saisons pour demain ! Et 20 points de moins à la maison Albator, pour insolence ! Chouette ! Cherchais justement à m'occuper entre ma mécanique quantique pour le professeur Lapin et ma confection de méca pour Arid. Pourquoi je me souviens que des moments pourris avec Snap ? Hein, peut-être parce que j'étais vraiment une quiche en animé. Oh ! Quelqu'un a une lampe torche ! Où est-ce que tu te caches ? Je préviens, j'ai autorisation de tirer à vue. Ici l'agent Tsubaki, code noir. Demande de renfort à la loge de l'impératrice de toute urgence. Mince, à tous les coups, le ninja est quelque part. Ah, je vois que dalle. Mais si je fais rien, la garde du corps va se faire avoir. Tu ne m'échapperas pas. Hein? Oh, tu es doué. Malgré cette obscurité, tu as parfaitement dévié ce shuriken. Mais à présent, tu es dos au mur. Enfin, dos à la porte plus exactement. Essayons d'arrêter ça. Tu as protégé tes points vitaux, mais c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Allô? Venez m'aider. Il y a des coups de feu. Dépêchez-vous. Comment ça, vous êtes bloqué à l'extérieur? Désolé, ce n'est qu'un contrat. Je vais tuer l'impératrice et empocher l'argent. Comme je suis membre officiel de la guilde des ninjas, eh bien je suis dans mon bon droit, vois-tu? Et tu sais qui c'est le grand maître de notre guilde? C'est l'incroyable, le magnifique Jean-Claude Van Damme! J'y suis venu! Si, si, je te jure! La ferme! T'as intérêt à m'achever. Je ne pourrais pas vivre avec un échec pareil sur la conscience. Sans rancune, alors. Casse-toi, j'étais là avant. C'est moi qui tuerai l'impératrice en premier. Je me suis fait doubler. Nom d'un connaille de poche. J'ai une nouvelle fois beaucoup trop parlé. Maître Wiwaban va encore me réprimander. Règle numéro 13262. Dans l'éventualité de l'intervention d'un tiers lors d'un assassinat sous contrat en bout d'uniforme, tout membre de la guilde des ninjas étant impliqué doit se retirer du susdit assassinat afin de préserver la réputation établie de la guilde. Partez et allez-vous prendre une bière. Bon bah désolé du dérangement. Salut. Drôle de type. Toi, je ne te vois pas, mais tu ne passeras pas. Attendez, moi c'est Powa. C'était pour vous aider. Regardez, je désactive mon invisibilité. Powa? Ati Powa? Oui, c'est moi. Laissez-moi vous aider, je vais appeler un médecin. Non, surtout pas, je... Mais je vous reconnais, vous. Vous êtes la chanteuse, là, Sexy Tina. Oh non, trop tard. Oui, c'est bien moi. Depuis quand vous êtes garde du corps de l'impératrice Masako? Bon... J'ai pas le choix, je suis démasquée. Ça fait quelques années. Mais je suis avant tout une espionne. Mon métier d'idol est parfait pour cacher ma double vie. Je vais en tournée et j'arrive facilement à soutirer des informations à des gens importants. Comment pourrait-il s'imaginer que cette cruche de Sexy Tina, la chanteuse kawaii à la mode, espionne en fait pour le compte du gouvernement japonais? Alors là, ça me la coupe. On m'a mise commentatrice pendant la petite finale pour garder un œil sur les débordements. Lorsque des fanatiques du parti de l'amitié apparaissaient, je chantais une chanson et, en fonction du titre, les persocop savaient automatiquement dans quelle partie du stade chercher. Bon, pas très efficace, mais ça a permis d'éviter une catastrophe. Et il paraît que l'un d'entre eux était un cyborg non déclaré. Powa, écoute-moi. Il ne faut surtout pas que tu dises tout ça à qui que ce soit. C'est compris? Quoi? Mais pourquoi? Les gens attendent de ma part des trucs de héros, c'est vendeur. En ce moment, il y a même des types en train de coder un jeu vidéo sur ma vie. Bon, pour le moment, c'est qu'un jeu de plateforme assez naze, mais avec cette histoire, ça pourrait rajouter de l'infiltration à la GoldenEye 64. Tu vas te taire! Est-ce que je peux te faire confiance? Les renforts ne devraient pas tarder. Ils doivent être retardés par tout ce qui se passe. Reste avec moi pendant ce temps et éclaire le couloir. Madame, est-ce que tout va bien? Oui, mais que s'est-il passé? Une tentative d'attentat sur votre personne. Mais le suspect s'est enfui. Restez dans la loge. Vous allez être escorté par des renforts dans quelques instants. Très bien. Je vous fais confiance, agent Tsubaki. Par contre, je vais quand même prendre ma bombe lacrymogène. Alors je vous prie de bien vouloir vous annoncer si vous ouvrez la porte. Rejoignez-moi pour une vie meilleure. On dirait qu'il se passe des choses dans le stade. J'espère que les autres s'en sortent. Dire que je croyais que Danpei était un partisan de Ami. On m'avait dit de garder un œil sur lui. En réalité, c'est juste un type vieux jeu un peu râleur, mais il essaye de faire de son mieux dans son boulot. J'ai dû l'assommer dans les loges pour pouvoir aller protéger Masako. Il ne l'a pas vu venir, mais ça ira. On inventera une histoire pour lui expliquer son état. Et le mien. Le pauvre. Je crois que je vais le ménager après tout ça. Je ne vais pas pouvoir assurer les concerts pour quelques semaines. Ah oui, Powa. Quand j'irai mieux? Je compte sur toi pour venir faire un feat sur mon prochain album. D'accord? En vrai, Dracho a un peu raison. Franchement, je chante comme une casserole. Vous serez prévenus.